La publicité de Pampers, l'industrie pharmaceutique se cache-t-elle derrière? Dans le magazine de la chaîne commerciale Migros, on fait la publicité pour la marque Pampers, en disant qu'avec l'achat d'un paquet de couches supplémentaires, on ferait un don pour 2 doses de vaccin contre le tétanos pour des nouveau-nés. Le tétanos est l'affection qui peut être causée par la toxine d'une bactérie. On prétend que depuis 2006, le tétanos a été fortement réduit parmi les nouveau-nés dans 19 pays en voie de développement. Mais, selon l'OMS, la Chine, par exemple, entre 1948 et 1971, a abaissé le taux de tétanos de plus de 99%, seulement par des mesures d'hygiène. Il est incompréhensible que l'entreprise Procter & Gamble, qui produit les Pampers, n'utilise pas les dons d'argent pour des mesures d'hygiène dans les pays en voie de développement, ce qui servirait à toute la population. Se pourrait-il que l'idée de dons de vaccins vienne de l'industrie pharmaceutique? L'industrie pharmaceutique ne peut pas gagner de l'argent par plus d'hygiène, mais elle le peut bien par des vaccinations pour chaque nouveau terrien. L'inventeur américain Thomas Edison était en avance sur notre temps. Il a dit « Le médecin de l'avenir ne donnera plus de médicaments, mais il veillera à l'intérêt de ses clients, pour qu'ils se soucient soigneusement de leur corps et de leur diététique, et qu'ils s'inquiètent de l'origine et de la prévention des maladies. »